de guérison, le renouveau du goût, des nuits belles étoilées, les angoisses et les coups, mes dettes sont payées, c'est la prison de verre. Les envoie promener, la pendule est à l'heure, je crois.